Document 3, page 42. Entrez, madame, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. On m'a volé mes chaussures, monsieur le commissaire. Bon, alors, c'est un cambriolage. Pas du tout. On ne me les a pas volées chez moi. Ah. Vous avez un magasin de chaussures ? Mais non, on me les a volées au cinéma. Ah. Expliquez-moi ça. Ce matin, j'ai acheté des chaussures rouges avec des talons. Magnifiques. Je les ai mises ce soir pour aller au cinéma avec un ami. Il y avait beaucoup de monde au cinéma ? Oui, la salle était pleine. Mais le film était ennuyeux et très long. Et les acteurs jouaient très mal. Ne me racontez pas tout le film, c'est inutile. Mais si, c'est utile. J'avais envie de dormir et j'avais mal aux pieds. Alors j'ai enlevé mes chaussures et je me suis endormie. Bon. Et vous vous êtes réveillée à la fin du film ? Oui, mais je n'avais plus mes chaussures. Il y avait quelqu'un à côté de vous pendant le film ? Oui, une femme assez âgée. Elle portait une robe rouge et un chapeau bizarre. Rouge aussi, je crois. Ah, c'est Josette ! On la connaît très bien. Ça fait 30 ans qu'elle vole des chaussures dans les cinémas.